Selon le journal d'internet sud-coréen La Voix du Peuple, les habitants de l'arrondissement de Songju et de la ville de Kimcheon de la province du Gyeongsang du Nord ont tenu le 8 à Séoul un meeting commun à l'encontre de la disposition de SAD américain. Les manifestants ont ensuite visité les familles des victimes en sitting, réclamant l'éclaircissement des dessous de la catastrophe du paquebot Séoul à la place de Gwanghwamun afin de les encourager. Par ailleurs, l'Action nationale contre la disposition en Corée du Sud de SAD a tenu le 6 devant le Parlement sud-coréen une conférence de presse pour critiquer le Parlement qui tourne le dos à l'opinion publique.